بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit celui qui détient en sa main la royauté suprême et qui a le pouvoir sur toutes choses. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui d'entre vous est le meilleur en œuvre? Et c'est lui le puissant, le pardonneur. C'est lui qui a créé sept cieux superposés. Tu ne vois aucun défaut dans la création du tout miséricordieux. Regarde à nouveau, y vois-tu quelques failles? Et regarde une seconde fois, puis encore une fois. Ton regard s'en retirera, alors humilié et frustré. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaire, dont nous avons fait des projectiles pour repousser les démons. Et pour ceci, nous avons préparé le châtiment du feu. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Et ceux qui ne croient pas en leur Seigneur subiront le tourment de l'enfer. Et quelle horrible destination! Quand ils y seront jetés, ils entendront son grondement, tandis qu'il bouillonne, comme s'il allait exploser dans sa fureur. Chaque fois qu'un nouveau groupe y sera jeté, ses gardiens demanderont : quoi ? N'y a-t-il personne qui soit venu vous avertir ? Et ils répondront : si, un messager est venu nous avertir, mais nous l'avons rejeté et avons dit : Dieu n'a rien révélé du tout. Vous êtes dans un égarement profond. Et ils ajouteront : si nous avions su écouter et raisonner un tant soit peu, nous ne nous serions pas retrouvés parmi les habitants du feu. Ainsi reconnaîtront-ils leur péché, que les habitants du feu soient anéantis à jamais. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Certes, ceux qui craignent leur Seigneur dans le secret de leur cœur obtiendront le pardon et une énorme récompense. Que vous cachiez ou divulguiez votre parole, Dieu connaît parfaitement le contenu des poitrines. Ignorerait-il ce qu'il a créé ? Il est le bienveillant. Il est parfaitement informé de toutes choses. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ses grandes étendues et nourrissez-vous de ce qu'il vous accorde comme subsistance. C'est vers lui que tout retournera après la mort. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Qui vous garantit que celui qui est au ciel ne vous fera pas engloutir par la terre ? Voici qu'elle tremble. Qui vous garantit que celui qui est au ciel n'enverra pas contre vous un ouragan ? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Des peuples avant eux ont démenti. Vois donc quelle fut alors ma réprobation. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم N'ont-ils pas vu les oiseaux, au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes sans que rien ne les soutienne Hormis le tout miséricordieux, certes, il est clairvoyant sur toute chose. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux? Les négateurs sont dans l'illusion la plus totale. Ou quel est celui qui vous donnerait votre subsistance si Dieu décidait de retenir celle qu'il vous attribue? Mais les négateurs persistent dans leur arrogance et leur répulsion. Est-ce que celui qui marche face contre terre est mieux guidé que celui qui marche bien droit sur un chemin droit ? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين Dis, c'est lui qui vous a créé. et qui vous a donné l'ouïe, la vue et l'entendement, mais vous êtes bien peu reconnaissant. Dis, c'est lui qui vous a multiplié sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il demande, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Réponds, Dieu seul en a la connaissance, moi je ne suis ici que pour vous avertir. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui n'auront pas cru seront affligés, et on leur dira, voilà ce que vous réclamiez. Dis, que vous ensemble, que Dieu nous fasse périr, moi et ceux qui me suivent, ou qu'il nous fasse miséricorde. Y aura-t-il pour autant quelqu'un qui protégera les négateurs d'un douloureux châtiment? Dis, c'est lui le tout miséricordieux, nous croyons en lui. Et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui aura été dans un égarement évident. Dis, que vous ensemble, si votre eau venait à disparaître au plus profond de la terre, qui vous apporterait alors une source d'eau jaillissante ?